ça fait longtemps déjà. Nous toujours portés pour les pays là. Si vous voulez nous gagner loin comme ça, parce que nous n'y courageons nous. Elle veut toute force monter pour nous. Ça fait toute fierté à nous. Ça fait longtemps, longtemps. Nous toujours portés pour les pays là. Si vous étiez ou bien gardé, ou que fini pas trouvé, à l'antipays Guadeloupe là, tini originalité. Et voilà! Yo dit moun Guadeloupe c'est bon moun. Allez voilà! Yo dit moun Guadeloupe c'est sportif. Allez voilà! Yo dit moun Guadeloupe c'est footballeur. Allez voilà! Yo dit Guadeloupe tini athlète. Allez voilà! Yo dit moun Guadeloupe ni bon manger. Allez voilà! Yo dit Guadeloupe ni bon plage. Allez voilà! Yo dit Guadeloupe ni belle femme. Allez voilà! C'est nom la même femme. Allez voilà! Allez voilà! Allez voilà! Oh, on commence encore. Yo dit moun Guadeloupe aime danser. Allez, voilà. Yo dit moun Guadeloupe aime chômer. Allez, voilà. Yo dit moun Guadeloupe aime champagne. Allez, voilà. Yo dit moun Guadeloupe aime amuser. Allez, voilà. Yo dit moun Guadeloupe aime belle femme. Allez, voilà. Yo dit femme Guadeloupe aime chosol. Allez, voilà. Yo dit femme Guadeloupe aime toujours sexe. Allez, voilà. Yo dit femme Guadeloupe c'est vérité. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Allez, voilà. Yo dit mon Guadeloupe aime fêter. Allez, voilà. Yo dit mon